Bonjour à tous et bienvenue sur Les Projets du Web, le podcast audio qui parle de l'actualité des projets et innovations du web. Nous sommes le mercredi 13 octobre 2010 et c'est l'épisode numéro 18. Bonjour à tous, bienvenue pour ce 18e épisode des Projets du Web. Un épisode qui promet d'être assez mémorable puisqu'on vient d'apprendre il y a à peu près 2 heures. Donc un petit incident de dernière minute que ce soir nous ne serions que 2 exceptionnellement puisque William se retrouve cloué au lit à cause d'une maladie, je ne sais pas exactement quoi. Donc après une réorganisation de dernière minute, Lucas et moi-même, nous allons tenter de vous parler de la totalité des thèmes que nous avions prévus. Même si donc évidemment, ayant eu beaucoup moins de temps de préparation, ça risque d'être un peu plus compliqué et pas forcément aussi clair que ce qu'on aurait voulu. Mais on va essayer de faire notre maximum. Donc, Non, moi ça va nickel. Non, je suis pas un faible comme William. Mais bon, il y peut rien, ça lui arrivera. On espère juste que ça arrivera pas souvent et pas trop longtemps. Et on te souhaite bon rétablissement. William. Alors, bonjour à la chatroom, parce que donc je sais absolument pas combien ils sont actuellement, puisque je ne regarde pas la chatroom. Pour l'instant, ils sont 9, dont moi qui suis aussi, donc ça fait 8 pour l'instant. D'accord, bah merci à vous d'être là. Ah, 10, on vient de passer à 10. D'accord, bon, bah c'est toujours à peu près les mêmes niveaux d'auditeurs, donc on vous remercie. Ouais. On va pas attendre plus longtemps, on va directement entrer dans le cœur de l'émission, donc bah, c'est parti pour la section projet. Alors, je vais commencer tout de suite et le premier projet, ça va être GameCrunch. Donc, GameCrunch, c'est un site dans la mouvance des réseaux sociaux, mais qui tente d'innover un peu puisqu'il s'oriente principalement sur le marché du jeu vidéo, mais aussi des sites de rencontres. Donc, c'est un peu particulier, je vais essayer de vous expliquer. C'est un site qui permet en fait à des hommes, des gamers d'une manière générale, de pouvoir trouver des compagnes de jeu, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, des playdates, et donc de jouer en leur compagnie pendant un certain temps, et donc derrière un jeu en commun, donc un jeu en réseau. Alors évidemment, c'est un service payant, puisqu'il rémunère non seulement l'entreprise qui fournit le service, donc qui fournit le site, mais aussi les charmantes jeunes femmes qui mettent à disposition un peu de leur temps. Donc apparemment, le site fonctionne très bien, puisque depuis son lancement, ça, le nombre de personnes qui visitent n'a cessé d'augmenter. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc moi, un aspect qui me paraît intéressant, c'est que les trois parties qui utilisent ce site sont plutôt bien gagnantes en fait dans l'utilisation, puisque le client, lui, peut passer du temps en compagnie de demoiselles. L'entreprise gagne des sous et les playdates sont rémunérés et en même temps peuvent passer du temps qui est du temps quand même d'amusement, enfin on l'espère. Donc il faut mettre de côté évidemment le prix qui pour le client est plutôt élevé à mon avis, un peu trop élevé je veux dire à mon avis. $9 les 10 minutes de jeu et $9 pour les 6 minutes sur les jeux flash. Alors il faudra qu'on m'explique pourquoi ça revient plus cher pour les jeux flash, mais en tout cas c'est comme ça. Et donc quelques infos au niveau des jeux. Alors pour ce qui va arriver, il y a le PlayStation Network, la Wii et World of Warcraft qui arriveront bientôt, et sinon les jeux supportés pour l'instant c'est Call of Duty, Modern Warfare 2, Gears of War, GTA 4 et Halo 3. Donc voilà, ce site c'est GameCrunch. Donc je le montre pour la chatroom. Ça fait un petit peu site de rencontre pour adultes pas très bien fréquenté. Quand on voit la page, c'est pas forcément la meilleure. Je sais pas, la mise en page me fait pas rêver personnellement. Mais bon, apparemment ça fonctionne bien. Vous pouvez donc vous inscrire et essayer de. Vous choisissez votre playdate, vous cliquez sur la photo. En général, elles essayent de se mettre en avant. Enfin, c'est plus ou moins réussi, mais voilà, vous choisissez et vous jouez avec elles pendant une dizaine de minutes. Donc, malheureusement, je crois que c'est limité à 10 minutes et vous êtes obligé de reprendre du temps après, mais vous ne pouvez pas continuer et prendre plus de 10 minutes à la fois. Et donc, ça, c'est peut-être aussi un peu une limite du service, puisque malgré tout, 10 minutes pour jouer à des jeux, tout dépend du jeu. C'est évident qu'un jeu flash, il n'y a aucun problème. Mais je trouve pas ça évident que 10 minutes soient suffisantes pour vraiment jouer et en même temps discuter avec la playdate. Donc Lucas, est-ce que tu as quelque chose à dire sur ce projet? Est-ce que tu en as entendu parler? Est-ce que ça t'excite complètement? Ben, moi, pas du tout. Mais en fait, déjà, quand tu l'as mis sur la web, j'ai vu un réseau social sur les jeux vidéo. N'étant pas un grand gamer, j'ai même pas regardé ce que c'était. Et là que tu m'expliques, ben, ça m'intéresse encore moins, quoi. Ouais. Parce que payer pour jouer à des jeux que j'ai déjà payé juste pour pouvoir jouer avec une mademoiselle, je vois pas du tout, mais pas du tout l'intérêt, quoi. Cela dit, il y a peut-être pas mal de gens qui ont besoin de ça pour pouvoir rencontrer des gens qui, par définition, ont plus ou moins les mêmes intérêts que eux. Donc ça ouais, reste et je pense social. Que autant aller sur Mythique que plutôt essayer de trouver des filles qui sont là. La plupart, je pense, sont là vraiment pour gagner un petit peu d'argent, quoi. Mais bon, on va dire que en tout cas, ça marche. Et donc ça, on peut rien en redire. Ça m'étonne pas que ça marche quand même. Ouais, il y a quand même un marché derrière. Donc j'avais vu, je sais plus exactement où j'ai vu ça, mais apparemment les personnes qui sont à l'origine de ce projet ont trouvé l'idée du projet dans un bar à côté d'une bière. Ils parlaient entre mecs et ont trouvé l'idée. Donc on voit d'où ça vient. C'est quand même une idée qui est issue d'une réflexion vraiment intense. Et du coup, bah voilà, ils ont lancé leur projet et apparemment ça marche. Donc bon, pourquoi pas. Site à suivre, et éventuellement si vous avez envie d'essayer et que vous l'essayez, faites-nous des petits retours. On aimerait bien savoir exactement comment ça se passe, parce qu'on n'a pas vu vraiment comment ça se passe derrière une fois qu'on a payé. Donc voilà, si vous avez des retours à nous faire, ou si vous connaissez un peu mieux le projet que nous, on veut bien savoir, parce que malheureusement on n'a pas pu essayer. Donc voilà, c'est à peu près tout pour Game Crush. Je vais te laisser, Lucas, pour la suite de WebM, je crois. Donc, alors moi, je vais vous parler rapidement de WebP, qui se prononce WIP apparemment. Donc, c'est un nouveau format d'image fait par Google sur le même principe que WebM qu'ils avaient présenté il y a quelques temps. Donc, le principe du WebP, ça serait pour remplacer le JPEG à la longue, qui permettrait en fait d'avoir des images de la même qualité, mais beaucoup moins lourdes. Et donc, à l'avenir, essayer de réduire de 60% la taille. Pour l'instant, ils ont fait une série de clichés qui était à 39,8% de réduction. Donc après, par rapport à WebM, donc ça hérite le même principe de compression, donc codec VP8 et conteneur RIFF, R-I-F-F. Pour l'instant, ils en sont au tout début, donc il manque quelque chose comme la transparence alpha, comme on trouve sur les images de type PNG, qui est plutôt pratique. Donc voilà. Après, le truc, c'est que je pense que ça va mettre pas mal de temps quand même pour s'imposer, parce que bon, le JPEG est vraiment partout, et là, c'est juste Google qui l'intègre dans Google Chrome, apparemment. Mmh. Donc c'est vraiment intéressant, parce que ça permettrait de gagner quand même pratiquement 40% de bande passante, parce qu'ils partent du constat aussi que les images, c'est ce qui prend le plus de place sur une page web. Mmh. Donc, du coup, si on réduire de 40% la page web, ça fait tout ça de temps gagné. Ouais. Et du coup, les donc, serveurs. L'initiative est bonne, mais ça, je pense, ça va mettre du temps à s'imposer. Donc avant que ça devienne le standard du web, ça va prendre un bout de temps, effectivement. Par contre, juste pour information, si vous allez donc sur le site là qui est affiché dans la chatroom et que je mettrai dans les notes de l'émission, vous pouvez télécharger un outil de conversion et donc convertir vos JPEG. Pour débuter un peu la conversion. Donc c'est sur le site, il y a marqué Getting Started, et vous pouvez télécharger et installer l'outil de conversion pour débuter un peu à instaurer ce nouveau standard du web. WebP. Donc bon, je vais enchaîner alors du coup avec Dailymotion Cloud. Donc c'est Dailymotion qui annonce le lancement de Dailymotion Cloud. C'est une solution vidéo payante d'encodage, de stockage et de diffusion. Donc entre autres des nouvelles fonctionnalités, par exemple la possibilité de personnaliser le lecteur vidéo avec des outils vraiment poussés. Il y a une vidéo qui est disponible sur le site de Dailymotion, justement. Vous tapez simplement Dailymotion Cloud et il vous montre un peu les capacités que peut fournir ce système, et c'est vraiment impressionnant. Ensuite, quoi d'autre ? Vous avez un accès aux statistiques détaillées des vidéos diffusées et à la diffusion multiformat aussi, qui est des contenus pour tous les écrans, donc qui est vachement, vachement utile. Au niveau des prix, par contre, le service sera facturé 10 centimes d'euros hors taxe par heure diffusée. Donc, j'arrive pas à me rendre compte à peu près de ce que ça représente, Mais bon, c'est assez étrange comme, comme principe. Il faut savoir que donc actuellement une interface de programmation Dailymotion Cloud a été mise à disposition des développeurs pour les aider à exploiter le service dès sa sortie. Info plutôt intéressante, mais qui montre que Dailymotion continue à innover et surtout à chercher des nouveaux moyens de se rémunérer. Malgré tout, j'ai encore un peu de mal à comprendre le principe et à savoir si réellement il y aurait un public intéressé pour avoir des fonctionnalités en plus, payer 10 centimes d'euros par heure de vidéo diffusée, ça reste quand même assez étrange. Mais pourquoi pas, et au moins ça travaille et il propose des choses, quoi. Lucas, est-ce que tu es revenu ? Mais j'étais pas parti. Déjà d'abord le prix, donc 10 centimes de dollars d'euros hors taxe par heure diffusée. J'aimerais savoir si c'est par heure qui sont regardées ou par heure qu'on upload, en fait. Parce que si c'est par heure de show qu'on diffuse, ça c'est pas énorme comme prix pour les fonctionnalités qu'ils proposent. C'est effectivement même si c'est par heure de show qu'on fonctionnalités diffuse qui pourraient être gratuites. Ouais, mais dans ce cas-là, encore, c'est pas trop cher. Pour les options qui sont proposées, ça peut être sympa. Si ça leur permet aussi d'être un petit peu rémunéré et tout, c'est pas plus mal. Mais après, c'est vraiment pas un truc essentiel, je pense. Ouais. Donc oui, ça les permet apparemment. Ça permet apparemment de. Il y a un système qui permet de calculer son budget sur le site de DMC Cloud, donc dailymotioncloud.net, en fonction du nombre moyen de vidéos vues par mois et la durée moyenne des vidéos. Et du coup, on peut calculer son budget en fonction de ça. Donc c'est plutôt, enfin, ça a l'air d'être plutôt bien fait. Ça permet, je ne sais pas si je l'ai précisé, donc ça permet un encodage rapide et de qualité. Donc le H264 apparemment est mis en avant. Un hébergement sécurisé, donc en dehors des qui a un autre serveur que Dailymotion. Une diffusion multiformat, ordinateur, télévision connectée, téléphone mobile et tablette. Donc voilà, ça permet tout ça. Après, à voir comment le service se met en place. Vous pouvez l'essayer gratuitement sur dmccloud.net. Je crois que c'est à peu près tout pour les projets de ce mois-ci. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter là pour les projets, Lucas ? Pour les projets, non, rien à rajouter. Ok. Bon, bah alors on va enchaîner avec l'actu et tips. Donc, bah, je vais commencer avec les nouveautés Facebook qui ont été annoncées le 6 octobre dernier. Trois points, principaux points. Donc, la première fonction, Lucas, est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît ? Désolé, mais merci bien. Alors, la première fonction qui a été présentée, c'est la fonction groupe qui a été améliorée, qui vous permet d'affiner en fait les confidentialités en créant des groupes d'amis. Et vous aurez donc la possibilité par la suite de partager vos différentes informations à différents groupes en contrôlant totalement qui peut voir quoi et à quel moment. Et du coup, par ce système de groupe, vous pouvez mieux gérer, selon eux, votre confidentialité d'informations et gérer tout ce que vous souhaitez partager ou non avec vos amis. Donc voilà, ça vous permet de limiter certains groupes et d'accepter certains groupes à absolument toutes les publications que vous faites. C'est-à-dire que du coup, vous pouvez à chaque fois cibler les personnes que vous laissez voir dont vous laissez voir l'information. Donc ça se trouve sur facebook.com/groups. C'est directement disponible. Vous pouvez créer vos groupes. Vous pouvez aussi donc il y a le contrôle qui est important, il y a aussi en fait au niveau du chat, ça vous permet de gérer avec qui vous souhaitez chatter à tout moment ou non, ce qui n'était pas vraiment facile à l'heure actuelle sur le chat. Donc voilà, la fonctionnalité groupe qui était déjà présente s'améliore, s'étoffe un peu et permet de mieux gérer la confidentialité. La seconde fonction, c'est sûrement la plus intéressante qui a été présentée, c'est la possibilité de télécharger vos informations sur votre ordinateur. Donc je ne sais pas si vous connaissez l'extension pour Firefox qui s'appelait Face2Pad, je crois. Mais en gros, elle permettait de télécharger automatiquement l'ensemble d'un album, donc d'un album Facebook sur votre ordinateur. Et bien, du coup, désormais, toutes vos informations, photos, articles, inbox, et etc., toutes les informations qui vous appartiennent sur Facebook pourront être téléchargeables directement depuis l'onglet Account Setting. Du coup, vous avez la possibilité de récupérer et de les garder stockés chez vous. Ça marche donc pour l'ensemble des informations. Et cette fonction, par contre, sera activée au fur et à mesure sur les différents comptes. Je ne crois pas qu'elle soit activée chez beaucoup de personnes pour le moment. C'est encore un peu en test. Mais ça arrive et ça sera dans les nouveautés futures. Ensuite, enfin, la dernière fonctionnalité, c'est dans les paramètres de confidentialité. Vous pourrez accéder désormais à une interface qui a été un peu repensée et qui devrait permettre aux utilisateurs de mieux gérer les paramètres de confidentialité en rapport avec les applications tierces. Parce que c'est vrai que, malgré tout, une fois qu'on a accepté une application tierce, c'est encore assez compliqué de pouvoir revenir en arrière et de modifier les droits d'accès des applications à son compte. Surtout que, malgré tout, on partage beaucoup, beaucoup d'informations avec ces applications. Donc voilà, vous pourrez désormais mieux le gérer, selon eux, via une interface qui est plus simple et plus adaptée. Tout ça, c'est disponible sur le blog de Facebook. Donc le blog officiel, c'est blog.facebook.com. Vous avez donc c'est Giving You More Control. C'est une des parutions de Mark Zuckerberg qui expose les trois nouveautés. Vous avez des vidéos pour les trois nouveautés qui expliquent assez bien tout, qui vous montrent un peu en quoi vont consister les nouveautés. Donc je vous conseille d'aller les voir et de vous renseigner parce que donc on se rend compte quand même qu'ils ont beaucoup misé sur tout ce qui est la gestion de la confidentialité. Donc on se rend compte quand même que c'est une information qui est assez importante pour eux et qu'ils ont besoin de montrer que ça les intéresse. Donc si vous faites attention un peu à la gestion de votre confidentialité, allez y jeter un œil et essayez le plus rapidement possible de modifier ça sur votre compte. Voilà, c'est à peu près tout pour les nouveautés Facebook. Lucas, je te laisse pour les deux prochains projets, enfin ActuTips. Ouais, donc d'abord, je vais vous parler du site tupréfères.net. Donc c'est un petit site tout simple, un site à la con quoi. Donc c'est une page hyper colorée, deux mots, il faut faire le choix sur l'un ou l'autre. Donc il va y avoir des trucs qui n'ont aucun lien, par exemple la séduction et Monopoly, on choisit et après il nous marque lequel a été le plus choisi. C'est ce truc qui te permet de passer deux minutes quand tu t'ennuies mais sans un vrai intérêt quoi. Enfin, moi j'ai trouvé ce petit site marrant quoi. Je sais pas si t'as essayé toi deux minutes. Oui bah je l'essaye même en live en fait actuellement. C'est intéressant, enfin ça fait passer le temps. Par contre je pense que rester plus de deux minutes sur ce site, il faut vraiment être n'avoir absolument rien à faire. Mais bon, c'est sympa et puis de voir un peu. Je sais pas, pour même ce qui serait intéressant, c'est de voir à peu près la quantité de personnes qui votent et sur quoi ils se basent du coup. Sur quel. Mais on doit voir sur le live normalement. On voit en bas le nombre de personnages. Oui, mais c'est ça pas donne le. À peu près le pourcentage qui ont. Je suis d'accord pour le pourcentage, mais ils donnent pas le nombre total. Ouais. Il me semble. Ouais, ça donne une approximation. Il me semble que certaines fois, par exemple, on va avoir juste trois bonhommes de chaque côté. Et des fois, on va avoir une dizaine de chaque côté. Donc, je pense, il y a aussi dans les bonhommes, il affiche ceux qui ont été le plus choisis. Mais j'y suis passé plusieurs fois dessus. Je suis jamais tombé deux fois sur le même choix à faire. D'accord. Donc ça, c'est déjà bien. C'est qu'il y a quand même du contenu. Du choix. Ouais. Donc voilà, plutôt intéressant. Autre chose, un autre projet. Alors ouais. Maintenant, je vais vous parler de Unhear It. Donc c'est pour tout simplement quand on a une chanson en tête, il nous propose de nous faire écouter une autre chanson. Donc j'ai mis les machins trop, mais faites attention, ça va direct lancer une chanson. Donc ça nous propose d'écouter une autre chanson qui va rester en fait à la place finalement dans notre tête. Donc il y a un petit player SoundCloud qui est tout léger. Ça nous lance une chanson aléatoire. Et après, si la chanson nous plaît pas, on peut faire New Song qui renvoie notre chanson aléatoire. Donc dedans, j'ai remarqué qu'il y a pas mal de mash-up. Donc une instru et un a cappella mélangé, complètement différent. et quelques chansons qui sortent de différents mèmes. Par exemple, la Keyboard Cat Song, il y a, je suis tombé sur Ben Intruder, plein de conneries comme ça. Il n'y a pas l'air d'avoir sympa, dans le principe, énormément c'est de marrant, chansons. Mais je ne sais pas si ça marche. Ça marche pas vraiment, en fait, ça, juste ça remplace. Ouais, il faudrait le tester en conditions réelles pour voir. Après, il y a deux choses. De un, il n'y a pas énormément de chansons, j'ai l'impression. Ça retourne souvent sur la même. Du coup, on a un peu l'impression qu'ils sont limités là-dessus. Et autre chose de vraiment très, très agaçant, selon moi, c'est la lecture automatique au lancement de la page. Parce qu'on n'a pas forcément envie que ça se lance. Donc je ne sais pas si toi ça te gêne, mais je trouve ça plutôt agaçant. Donc faites attention. En général, quand je lance le site, ça ne me gêne pas que ça se lance direct, parce que là, parce que je veux l'écouter direct, justement. Mais là, par contre, là, quand j'ai réouvert justement Chrome avec la page, d'un coup, j'ai eu la musique, donc je ne t'entendais plus. Et là, pour le coup, c'était un peu chiant. Ouais. Après, pour le nombre de chansons, ouais, j'ai remarqué qu'il n'y a pas grand-chose. Et pour le test en conditions réelles, j'ai testé en conditions réelles justement tout à l'heure. Et ça marche, mais ça nous met juste une autre chanson en tête. Et comme on peut choisir laquelle, finalement, c'est un peu plus agréable. Ouais. Mais ça ne nous soigne pas. Mais finalement, l'écoute de n'importe quelle... Est-ce que sincèrement, il y a une étude derrière qui dit que ces chansons rentrent plus facilement en tête ou simplement... Non, finalement, je pense que c'est... Je pense pas qu'il y ait un truc derrière, c'est juste, je pense que les mecs qui ont fait le site se sont dit, ah, cette chanson, elle me reste souvent en tête. Ils l'ont mise, quoi. Ouais, donc voilà. Essayez-le, hein, si jamais. Surtout quand on voit qu'il y a. Surtout quand on voit, par exemple, il y a Keyboard Cat, il y a Bad Intruder, il y a la chanson de Portal, la chanson de fin de Portal, sont comme que beaucoup apprécient. Des chansons, je pense pas qu'elles ont été étudiées pour rester en tête. C'est sûr. En tout cas, si ça a l'air de marcher, essayez-le. Voilà, je vais enchaîner avec une petite news de Mozilla. Alors, je vais être franc pour cette news. Je vais simplement reprendre 90% d'un article de chez Tom's Guide, presque mot à mot, puisque je n'ai pas eu du tout le temps de le préparer. Je trouvais qu'en plus l'explication était vraiment claire, c'est assez synthétique. Et donc, je m'en excuse, mais je préfère citer mes sources. Donc, c'est Mozilla qui a mis en place un système d'aide aux utilisateurs via le réseau social Twitter. Donc, ce regroupement d'utilisateurs se nomme l'Armée Fantastique. En anglais, c'est Army of Awesome. Et ils acceptent n'importe quel internaute, en fait, disposant d'un compte Twitter et prêt à aider les usagers de Firefox, le navigateur donc de Mozilla. Quand un internaute pose une question sur Twitter... donc avec les termes Firefox et sûrement le terme point d'interrogation, donc les membres de l'Armée Fantastique peuvent lui répondre ou l'orienter vers un site contenant la réponse sur une page externe donc d'internet. Pour trouver les questions, par contre, Mozilla utilise tout simplement le moteur de recherche Twitter en ciblant sur le mot Firefox et éventuellement le point d'interrogation pour cibler les questions. Le souci, c'est que cette méthode, elle ne fait pas remonter que des questions, évidemment. Du coup, ils doivent subir un flot d'informations plutôt important qui doit être assez difficile à traiter. Je ne sais pas du tout comment ils travaillent là-dessus, mais parce que je n'ai pas été voir. Je ne sais pas si, Lucas, tu as testé de faire partie de... Cela dit, tu utilises Chromium, donc ça serait un peu bizarre, ou Chrome. Mais je ne sais pas comment ils peuvent faire pour affiner les recherches au point de retrouver uniquement les questions qui portent sur Firefox. Pour tout avouer, non, je n'ai pas regardé, je n'ai pas essayé. Firefox, je ne suis pas trop l'actu dernièrement vu que je suis passé sous Chrome. Et, moi, mon navigateur, je m'en sers juste pour naviguer. Quoi. Je ne vais pas plus loin que ça. Quoi. Donc, je n'ai pas du tout regardé, j'avoue. Et ce qui me paraît, à la limite, pas très intéressant, c'est que je fais peut-être une généralité, c'est plus exact, c'est peut-être pas encore le cas maintenant, mais à la base, Twitter, ça reste quand même pour les gens qui sont initiés au niveau d'Internet, ou du moins un minimum, et qui savent au moins servir d'un navigateur. À la limite, sur Facebook, il y a peut-être plus de gens qui auraient besoin d'aide, même s'ils ne poseraient pas directement la question dans leur flux Facebook, mais je pense pas que la population de Twitter soit celle qui a besoin de beaucoup d'aide sur un navigateur, surtout un navigateur simple comme Firefox. Il faut vraiment vouloir chercher la petite bête pour poser des questions et ne pas comprendre le fonctionnement. Donc je suis pas certain qu'il y ait beaucoup de gens qui pose des questions. Je pense qu'il n'y a pas besoin de créer une armée pour ça. Ouais. Mais surtout qu'à la limite, ça décrédibilise. Je pense que quand on a un problème, pour avoir testé plusieurs fois, quand j'ai un problème, il suffit de poser la question sur Twitter, on va tout de suite venir nous répondre ou quoi. Donc créer une armée spéciale dédiée à ça et tout, je ne sais pas si c'est vraiment utile finalement. Je ne pense pas qu'il doit y avoir tant de problèmes que ça, comme tu disais. Et surtout que finalement, ça décrédibilise un petit peu le produit, parce que si vraiment ils étaient sûrs que leur produit était fiable et était suffisamment évident, ils n'auraient pas besoin d'une armée de personnes pour aider la communauté à utiliser leur navigateur. Et c'est ça qui me gêne un peu quand je vois une armée de personnes qui sont en plus des utilisateurs, qui doivent aider d'autres utilisateurs. Ça fait vraiment Firefox le navigateur ultra compliqué dont on a besoin de beaucoup de monde pour comprendre le fonctionnement. Donc, je ne suis pas complètement fan. Je pense qu'il doit y avoir juste quelques subtilités dans le navigateur que tout le monde ne connaît pas, quoi. Ouais, mais le terme armée pour ça peut-être servir à ça à la limite. Oui, non, c'est... je pense que ce terme c'est juste pour le fun. Oui, non, je comprends bien, mais même dans, enfin c'est plutôt le principe qui après commence à me gêner un peu, c'est pourquoi avoir besoin de ça si le navigateur est suffisamment clair. Enfin bon, après c'est si pourquoi pas. En tout cas, si vous posez une question sur votre compte Twitter, sachez que beaucoup de gens, en utilisant les termes Firefox. Vous allez avoir une armée de personnes qui seront là à voir votre tweet et à éventuellement vous répondre le plus rapidement possible. Donc voilà, sachez-le, Firefox a mis ça en place. Lucas, je te laisse continuer avec Google. Donc oui, maintenant je vais vous parler d'une nouvelle page ouverte par Google. Donc c'est Google Phone Gallery. Donc ils ont créé ça pour répertorier tous les mobiles Android sur le marché. Donc je mets le lien à chatroom. Donc ils ont répertorié tous les mobiles Android sur les plus grands constructeurs. Donc il y a un tri par constructeur, par opérateur. Donc pour les constructeurs, ils montrent que les constructeurs chinois comme Huawei, enfin, je ne sais pas comment ça se prononce, et certains qui n'ont pas fait beaucoup de mobiles. Mais après, pour l'essentiel, ils sont là. On peut trier par pays. Donc il y a plusieurs pays, dont la France, les États-Unis, etc. Par constructeur et par opérateur. Et après, quand on voit les téléphones, on a la possibilité tout de suite de cliquer sur le lien qui va nous emmener sur la page de l'opérateur pour acheter le téléphone directement. On a aussi la possibilité de comparer les mobiles jusqu'à 3 en même temps avec un tableau récapitulatif qui est plutôt bien fait. Le seul défaut, pas les vieux téléphones. Il y a les dernières sorties. Par exemple, il n'y a pas le HTC Magic, le HTC Hero pour la version française. Alors que bon, il y a encore beaucoup de monde qui l'utilise, ça peut être sympa de comparer. Après, c'est sûr que si on veut changer, je pense que le but, c'est pour nous inciter à prendre le nouveau, pour voir ce qu'il y a de nouveau. C'est vrai que les anciens, c'est pas intéressant de comparer par rapport aux anciens. Mais je trouve que ça manque quand même, ça aurait été bien d'avoir la collection complète de tous les téléphones Android par marque sortis depuis le début. Mmh. Dès que j'ai là-dessus. Après, ça, c'est plutôt pratique à mettre de côté pour les achats futurs. Ouais, c'est vrai qu'en plus c'est quand même un des problèmes avec Android, c'est que ayant un système ouvert, si il y avait très peu de sites qui recensaient tous les téléphones fonctionnant sur ce système, et du coup ça fait un peu de bien de les voir, quoi. T'avais autre chose après à enchaîner, Lucas? Sur Google Phone, non, rien du tout. D'accord. Mais après, j'ai un autre site à vous parler, si ça vous intéresse encore, bien sûr. Ouais. Donc, je vais vous parler de CurseBird. C'est un site que j'ai vu qui a été tweeté par Sledge, qui, je sais, nous écoute toujours. Donc, en fait, c'est un site qui répertorie les tweets qui contiennent des insultes, en anglais, par contre. Donc, il repère 11 insultes et donc il nous affiche en temps réel les derniers tweets où il y a eu des insultes. Sur le côté, il y a un top utilisateur qui utilise le plus de grossièreté. Il y a le pourcentage de fois que ce mot est utilisé par rapport aux autres insultes. Et ça, il nous montre le changement tous les jours. Par exemple, il va nous dire pour le mot fuck, le pourcentage dans les tweets d'insultes. C'est vrai que ça change tous les jours. Donc il y a des petits trucs comme ça qui sont qui sont marrants, ça fait passer le temps. On peut aussi regarder par rapport aux utilisateurs. Donc je me suis amusé à regarder pour nous trois, même si oui, je l'ai quand même fait bruit. Donc pour toi Mathieu, c'est apparemment tu insultes pas. C'est swear like mute. Ah, on était sûr. Et donc t'as zéro tweet avec insulte en anglais. Ça marche que pour les mots anglais de toute façon. Donc t'as zéro. Will a un tweet. Est-ce que tu peux retrouver donc ce tweet? Il est level 2 avec 14 points d'XP. Oui, les tweets incriminés sont affichés. D'accord, donc c'était What the fuck, dude, mais c'était un retweet de... Et on peut aussi... Et il parlait à The Bully, juste pour information. Ouais. Et on peut aussi demander à sortir du... Il nous propose qu'on marque son nom. En dessous, il y a marqué « Si vous voulez ne plus être référencé, vous pouvez demander. » Il n'y a pas besoin d'être en compte privé pour ne pas être référencé. Ça, je trouve ça. Ouais, c'est pas mal, bien. Ça. Donc, maintenant, je continue. Donc, oui, c'est « Swear like BBC News présentateur. » Et je suis niveau 6, que 4 tweets, avec 4 tweets. Et je suis apparemment, j'insulte comme un professeur d'école. Oh, bah ça va. Voilà. Donc, j'ai trouvé... ouais, j'ai trouvé ceci. Et après, quand on voit le top utilisateur, on a beaucoup de mal à t'entendre par contre. Il est level 83 avec eux. Ouais, on a beaucoup de mal à t'entendre depuis tout à l'heure, ça bug pas mal. Juste pour information. Mais bon, je pense que c'est compréhensible pour la chatroom. Il y aura des grosses modifications en post-prod pour que ça soit aisément écoutable. Juste pour information, parce que je me suis renseigné un peu, The Bully, tu as un beau level 16 avec 154 XP et 13 tweets qui ont des mots comme bitch, fuck, bitching et autres motherfucking. Donc il faudrait que tu fasses attention un petit peu. Surtout que c'est toi qui as perverti notre Lucas, puisque le seul message qu'il a tweeté avec un fuck dedans, c'était un message pour toi. Alors attention, s'il te plaît. Tu parles de William. Moi, j'en ai 4. Ah oui, c'est vrai. Bah alors, il a perverti William. C'est encore pire. Que voulais-je dire ? Ah oui. On va enchaîner avec un bonus cette fois-ci. Alors, j'espère que ta connexion va aller un peu mieux et que tu vas pouvoir nous parler de quelque chose que tu as vécu le week-end dernier. Oui, si, c'était le week-end dernier. Non, c'était mercredi dernier, donc il y a juste une semaine. Donc j'avais été invité à la Moblis Party de The Phone House, où ils présentent en gros les derniers téléphones. Donc j'ai eu l'occasion de tester assez rapidement le Desire HD, Desire Z, et un peu toucher de la Live View de Sony Ericsson. Donc en gros, mes impressions, moi je pense que dès que possible, j'ai essayé de prendre le Desire Z. Mmh. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, c'est les deux derniers mobiles de HTC. Desire Z qui a la particularité d'avoir un clavier physique complet, et c'est vraiment agréable ça. Il y a le Desire HD qui est l'équivalent du Evo en France, avec un grand écran de 3,3 pouces, une bonne résolution et bon, toutes les caractéristiques au top. Donc j'ai testé les deux mobiles, ils sont franchement sympas. Ils sont pas si gros que ça. Ils passent sans problème dans ma poche. Mon Desire Z a un peu plus de mal, malgré qu'il soit plus petit, par comme il est plus épais. En gros, sur les deux HTC. Juste pour... est-ce que tu connais les capacités, les différents éléments qui composent ces téléphones ? Pas du tout. Ouais. Alors pour le Desire HD, c'est donc l'écran 4,3 pouces en 800 par 480, qui est la même résolution sur le Desire Z aussi. Mm-hmm. Processeur à 1 GHz avec un GPU dedans, 1,5 Go de mémoire interne. Et l'appareil photo de 8 mégapixels avec double flash LED, si je ne me trompe pas. Mm-hmm. Pour le Desire Z, c'est 3,7 pouces en 800 x 480. Donc la résolution sera plus fine vu que l'écran est plus petit. Le clavier complet, un processeur à 800 MHz par contre, donc un poil moins puissant que le Desire HD. Mm-hmm. Et par contre le même GPU à l'intérieur. L'appareil photo, c'est du 5 mégapixels avec flash LED aussi. Ok. Donc Donc ça pour ça, c'est des très bons téléphones pas quand même au mal. niveau du Ça va être. hardware. Voilà, exactement. Le seul truc qui me fait peur, c'est la batterie du design HD, qui est moins, qui est dans les chiffres moins puissante que celle du Desire actuel. Mais apparemment, le code étant plus optimisé, on aura une meilleure autonomie. Et peut-être des Ou au problèmes. moins l'équivalence. Ok. Bon, bah donc ça, c'est les nouveautés. Et puis, tu as eu un Ouais. petit cadeau, je ne sais pas si tu en as parlé. D'abord, je vais te parler d'un autre truc. Ah, d'accord. Le Sony Ericsson LaVie. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est une espèce de petite montre. Montre, c'est un tout petit carré qu'on peut brancher sur un bracelet ou clipper n'importe où. Et qui nous permet en fait de voir nos tweets, nos actus Facebook, les mails, l'agenda, les SMS et même l'heure aussi. Et ça, directement depuis le poignet, ça nous permet de pouvoir tout checker sans sortir son téléphone de la poche. Et c'est un truc, un système que je trouve franchement super. Je pense que je vais m'en prendre un parce que en plus le prix est juste de 59 euros. Donc je trouve pas ça excessif pour une montre, entre guillemets, qui fait beaucoup de choses. Mais alors ça se Après, connecte. à voir, Ouais, pardon. Ouais. c'est Vas-y, quoi vas-y, ta continue. question, vas-y. Ah, ok. Donc, est-ce que ça se Le seul truc connecte qui à m'inquiète pas. tous les types de téléphones? Ou parce que j'ai peut-être. C'est compatible avec tous les Android en 2.1 par D'accord. Bluetooth, il me semble, si je dis pas d'erreur. Par contre, le seul truc qui m'inquiète, ça va être au niveau de la batterie interne. Je me demande au bout de, enfin, combien de temps ça va tenir. Combien de temps, s'il faudra le recharger toutes les nuits en même temps que le téléphone, ou si on pourra se permettre de le garder un peu plus longtemps autour du poignet. Mais c'est franchement un tout petit truc, il y a trois boutons dessus. Et ça me botte, mais carrément ça. Ça, je pense que je le prends à la sortie parce que c'est pas super cher non C'est déjà sorti ou ça plus. sort bientôt? J'ai Et, pas. donc, voilà. Non, ça sort en novembre, si je dis pas d'erreur. Mois de Et no j'ai un novembre, boîtier ok. dans la chatroom, il va pouvoir nous confirmer D'accord, donc aux alentours qui du est mois de un peu au milieu novembre. de ça, de cette actuelle. Au niveau du mois de novembre. Ok, et donc, dernière petite news que tu avais comment dire, sur ce salon, pardon. T'as eu un cadeau aussi. Ouais, j'ai réussi à gagner un Sony Ericsson X10 Mini Pro. Ah, donc pour la sortie, j'ai un 2-3K qui est rédacteur chez Frandroid me confirme, c'est en novembre. D'accord. Donc oui, alors moi j'ai gagné un X10 Mini Pro qui est en fait au début, c'est un téléphone qui me plaisait pas plus que ça parce que l'écran est vraiment petit et tout. Et en fait, il est énorme. Il a remplacé mon Magic. Je me suis pratiquement que celui-là parce que justement il est petit, il prend pas de place, il y a un clavier physique, ça c'est vraiment un gros gros plus parce que le clavier virtuel, on peut dire ce qu'on veut, ça vaudra jamais un clavier physique. Et il est vraiment bien après sur tous les points quoi, même l'interface, vu que l'écran est tout petit, l'interface a été remaniée, il y a eu quelques modifications qui le rend franchement super agréable à se servir. Donc je pensais pas autant l'aimer et finalement remplacer à mon Magic quoi sans C'est vrai problème. qu'il est effectivement excessivement petit. Là, on voit des photos sur le site où il est tenu dans une main. J'arrive pas à comprendre comment le clavier peut être vraiment simplement accessible, par contre. Alors, mais franchement, dans le clavier, il n'y a aucun problème. Hein. J'ai vite pris le coup dessus. Il est agréable. Il n'y a aucun problème, quoi. Il n'est pas tant rapproché que ça. J'écris avec aucune difficulté ici. Ok. Donc ça c'est le X10 Mini Pro et qui est une heureuse nouvelle pour toi qui a remplacé ton téléphone donc. Voilà, exactement. Tout à Ok. fait. Donc est-ce que c'est tout Et pour que je verrai bien couplé avec la view un peu plus tard. Ouais puisqu'en plus c'est la même marque du coup. Exactement. Est-ce que c'est tout pour ce salon? Ouais, j'ai vu. Bon, après, vite fait, j'ai la Galaxy Tab, j'ai pu l'essayer. Donc, niveau design, elle est plutôt jolie et pas l'air vraiment encombrant du tout. Pour moi, ça a l'air d'être le format parfait quoi, pour une tablette. C'est combien de pouces 7 pouces. 7 pouces, d'accord. Ok. Donc voilà, ça c'était le salon donc que tu as été voir il y a maintenant une semaine. Et à l'occasion, tu as pu rencontrer une bonne partie des gens de chez NoWatch. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Je vais enchaîner avec le Tips Google. C'était une super soirée. Ouais, pardon. Je vais enchaîner avec le Tips Google de cette semaine. Alors, c'est un Tips, malheureusement, uniquement pour les utilisateurs du navigateur web Chromium. Donc, je ne parle pas de Chrome, je parle de Chromium. Donc, il y a la version de développement de Chrome que vous pouvez très simplement télécharger et donc qui est mise à jour. Et c'est pas du tout compatible. Pardon ? Et c'est pas du tout compatible Chrome ? Pas pour l'instant, parce que Chromium en fait teste toutes les nouveautés, parfois des nouveautés qui ne sortiront jamais sur Google Chrome, qui seront supprimées au fur et à mesure. Et du coup, Chromium, c'est des mises à jour à peu près toutes les heures d'un navigateur. Donc, on ne peut pas télécharger évidemment toutes les mises à jour, mais tout le développement se fait en fait au fur et à mesure, et vous pouvez télécharger chaque version. Et là, il s'avère que depuis aujourd'hui, les développeurs ont intégré dans une des releases de Chromium une nouvelle fonctionnalité. Alors, je vais vous en parler d'autres aussi en plus, parce que du coup, j'en ai découvert, parce que je ne savais pas ça. Donc, si vous êtes sur Chromium et que vous venez de prendre la dernière version qui est parue, l'une des dernières versions qui est parue aujourd'hui, vous allez simplement dans votre barre, barre d'URL, barre de recherche, vous tapez about.labs, L-A-B-S, et vous arrivez sur une petite page interne au navigateur qui vous permet de désactiver ou d'activer des ils appellent ça labs experiments, donc des expérimentations du laboratoire de chez Google. Et depuis peu, donc depuis cette mise à jour, vous avez la possibilité d'activer Google Instant directement dans la barre d'adresse, donc la barre d'URL barre d'URL qui est aussi barre de recherche dans Chrome et Chromium. Mais là, du coup, donc je vais faire la démo en live. Il vous suffit d'être sur votre page d'accueil du navigateur, de taper les projets du... Voilà, et ça s'actualise à chaque mot que je rajoute. À les projets, il y avait une des recherches. Les projets du, ça ajoute, ça affine la recherche. Donc finalement, c'est Google Instant dans la barre d'URL. Donc ultra intéressant. C'est plutôt bien mis en place parce qu'en plus, quand on fait ça, donc je vais finir ma recherche, on a une petite icône en haut à gauche de la fenêtre avec une croix qui nous permet de revenir en arrière. Bon, actuellement, la fonction est plus ou moins, ne marche pas très très bien parce que ça reste une version de développement. Mais en tout cas, c'est c'est plutôt bien mis en place. Je ne savais pas comment ils allaient pouvoir le mettre en place et ça marche très bien. C'est tout aussi rapide et ça permet quand même de gagner un temps. Là, pour le coup, Google Instant se révèle ultra utile. Et alors là, je l'active et je le laisse activer jusqu'à ce que mort s'en suive. Parce que sincèrement, c'est un outil très pratique qui là prend tout son sens dans le navigateur. Donc je ne sais pas du tout quand est-ce que ça sera intégré à Chrome. Mais en tout cas, si vous voulez l'essayer, prenez Chromium. D'ailleurs, je vous conseille, si vous avez un peu l'envie de découvrir les nouveautés avant l'heure, et d'un navigateur qui est mis à jour et qui a des correctifs toutes les heures presque, téléchargez Chromium, vous faites une mise à jour toutes les semaines, c'est largement suffisant. C'est effectivement un peu moins stable, et encore j'ai dû avoir deux crashs de navigateur depuis 2 mois, donc c'est vraiment rien. Essayez-le, sincèrement c'est très agréable d'avoir ces nouveautés. Donc il y avait non seulement cette nouveauté là, mais en plus j'ai découvert, parce que je ne connaissais pas cette partie du navigateur Labs, vous pouvez activer pas mal d'autres fonctions, dont une fonction que j'ai mis que j'ai utilisée aujourd'hui pour le live. C'est la fonction, je crois que c'est disponible que sur Mac, par contre que pour la version Chromium Mac. Donc là je réduis encore plus le nombre d'utilisateurs, mais c'est très intéressant et je pense que ça pourrait être appliqué sur tous les ordinateurs portables d'une manière générale, ou avec des souris adaptées. La fonction exposer sur Mac, qui permet d'exposer ses fenêtres, a été codée exactement la même au sein du navigateur. Et en gros, si je place mes 3 doigts sur mon trackpad et que je tire, tous les onglets se font une fonction comme une fonction exposée, et du coup je me retrouve avec tous mes onglets bien plus clairement. Et c'est vraiment très, très utile. Donc voilà, pour passer d'un onglet à l'autre, là je suis en train de le montrer dans la chatroom, c'est très très agréable, très fluide. Et voilà, je ne sais pas s'ils vont le mettre en place pour les autres versions, donc Windows de Chromium et après de Chrome. Mais voilà, encore intéressant. Plein d'autres petites fonctionnalités dans le Labs que vous pouvez tester à about.labs sur votre navigateur Chromium. Voilà. Donc, Lucas, est-ce que tu utilises Chromium ? Moi, j'ai trois choses à te demander. Oui, vas-y. Bon, d'abord, je n'utilise pas Chromium, donc moi, je suis sous Chrome, je ne me prends pas la tête. D'accord. Donc, première question, en fait, avec le Google Assistant Search, quand on est sur bon, Chrome et Chromium, quand on commence à taper ces termes, en général, on a un menu déroulant qui s'affiche avec, entre autres, des sites qui pourraient correspondre et la recherche. Est-ce que le fait d'avoir Google Instant Search et ça ouvert, ça ne cache pas une partie et qui nous empêcherait de cliquer justement rapidement sur un lien ? Alors, effectivement, c'est un des soucis que j'ai trouvé, sachant que pour le moment, je ne me prends pas trop la tête avec ça, puisque je sais que c'est en cours de développement. J'ai essayé d'enlever cette fonctionnalité. Ça n'a pas fonctionné. D'enlever la fonctionnalité de. En fait, c'est la suggestion automatique des barres d'adresse et des recherches. J'ai essayé de la supprimer. C'est vrai qu'elle se superpose un peu. Mais bon, il faut prendre en compte que ça reste une phase de développement et que du coup, effectivement, c'est quelque chose qui, pour le moment, au niveau de l'ergonomie, n'est pas très, très bien mis en place. Personnellement, je préfère me passer de Google Instant Search direct dans la barre que du petit menu quand même. Parce que le menu déroulant, là, je m'en sers tout le temps. Et quand je vais sur Google Instant, je l'ai mis en page d'accueil. Je vais sur la page d'accueil, ça va aussi, finalement. Mais finalement, la suggestion, elle est faite plus ou moins avec les résultats de Google. Donc, ça revient plus ou moins à la même chose. Ouais. Donc, sincèrement, s'il y a uniquement les résultats Google, ça reviendra à la même chose. Et ça c'est pour ça qu'à la limite, j'ai pas besoin d'afficher. Donc voilà, après, ils se débrouilleront peut-être pour mettre en place que les deux cohabitent très bien. Mais voilà. Donc oui, continue avec tes questions. Alors la deuxième question, c'est une question de G1234 dans la chatbox qui demandait pour Chromium sous Mac, s'il est obligé de le compiler ou s'il y a des releases. C'est des releases. Alors je vais même en live te trouver l'adresse. Si je m'en souviens, c'est. Hop. Il faut télécharger à la main chaque version qui sort et il y a toujours une version compatible Mac. Voilà, c'est ça. Alors, quand tu es sur build.chromium.org/buildbot/snapshot, alors je vais vous enverrai tout à l'heure dans la chatroom l'adresse, tu as Chromium Rel, donc release Mac. Tu vas dessus, tu vas la toute dernière release qui est la 6000. Tu vois, alors juste pour exemple, j'ai 8 releases, je l'ai téléchargé tout à l'heure, il y a à peu près 6 heures à peu près. Il y a déjà 8 releases qui sont sorties entre temps. Donc peut-être même celles qui corrigent le problème dont tu viens de me parler, Lucas. Donc la 62418 qui est la dernière release, tu peux télécharger donc tu cliques dessus, tu peux télécharger un pack qui s'appelle chrome-mac.zip. C'est exactement la même chose sur Windows. Téléchargez le fichier zip et vous avez l'application, donc pour Windows l'exécutable qui installe Chromium, et pour les utilisateurs Mac, vous avez la petite icône qui est en fait l'application que vous glissez dans votre dossier application. Vous mettez le lien dans votre barre de lancement et vous avez Chromium qui tourne très bien et qui est déjà complètement fait. C'est comme si vous téléchargiez l'application en fait. Voilà, je ne sais pas si ça répond bien à la question, mais normalement, je pense que c'est ça. Alors voilà, ce que je redoutais depuis très longtemps maintenant vient de se produire. J'ai malheureusement perdu toute la fin de cette émission lors du montage. Comme vous avez pu le sentir, le montage était très compliqué étant donné que Lucas a eu beaucoup de problèmes de connexion. Et à force de manipulation, j'en ai malencontreusement supprimé la quasi-totalité de la fin du podcast. Et impossible de le récupérer après plein de manipulations. Du coup, je m'en excuse, mais ce podcast se termine là. Évidemment, si on trouve le temps de réenregistrer la fin, on fera une mise à jour, on repostera l'épisode. Je suis vraiment désolé. Tous les liens, par contre, qui ont été évoqués lors du live, pour ceux qui nous suivaient, sont quand même dans les liens de l'émission. Donc, voilà. Et donc, à très bientôt pour l'épisode 19.